séparer, j'ai envie de te retrouver. Un instant partagé, ce qui te demande, c'est la passion d'un baiser. Voix voix qui brille, hypnotisé. Par ta beauté, tu m'as subjugué, tu m'as ensorcelé. J'ai envie de te retrouver pour pouvoir, oui, t'enlacer. Sentir l'odeur de ton parfum, la caresse de tes mains. Vas-y bébé, oui, tu connais le chemin. Wow. T'es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Au gars que lui m'a vu, tu redonnes tout ça mon esprit. Le contact ton body me remplit d'infinie envie. Illumine la flamme qui vit, sans toi je serai rien. Oh oui, vois-tu ma chérie. Car tu es la chaleur qui réchauffe mon cœur, la tempête qui envahit ma tête, vibration qui m'envahit, frisson. Alors bébé, je crois que t'as fait de moi ton pion. Wow. Sing it, wow. Sing it, wow. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, quand tu es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, et quand tu es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Wow. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, quand tu es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu es loin de moi, baby. Je suis comme un chien perdu dans la nuit, mais tu ne cesses d'hanter mon esprit. Mais tu ne sais pas, t'es mon esprit.